vraiment contenir un peuple? Comment contenir un peuple? Réflexion, réflexion, assieds-toi maître du jeu! Maître de tes semblables, donne-leur un peu d'espoir. Donne-leur un effet de peur. Donne-leur de l'espoir et reprends-leur. Reprends-leur, reprends-leur. Alors ils manifestent, manifestent ta douleur. Manifeste, manifeste ta grandeur. Manifeste, manifeste ta grandeur. Manifeste, manifeste ta douleur. Manifeste pacifiquement, pacifiquement, pacifiquement. Manifeste pacifiquement, pacifiquement, pacifiquement. Non, pacifiquement, non, non, non, pas si, pas si, pacifiquement. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Manifeste, manifeste ta douleur. Manifeste, manifeste ta grandeur. Manifeste, manifeste, manifeste, manifeste. Il faut les tenir en laisse, tout en lâchant la bride. Leur faire croire aux libertés, mais n'allez pas plus loin, non, n'allez pas plus loin, non, n'allez pas plus loin. Après la falaise, vous tomberez. Manifeste ta douleur, manifeste, manifeste ta douleur, manifeste, manifeste ta douleur, manifeste, manifeste, manifeste, manifeste. Dans le vide, plus rien, plus rien, plus rien. Dans le vide, plus rien, plus rien. Crie, défoule-toi, rien ne changera. Du haut en bas, oh, que peux-tu faire au fond, ah? Manifeste, manifeste ta douleur. Manifeste, manifeste ta grandeur. Manifeste, manifeste ta douleur. Manifeste, manifeste ta douleur. Manifeste, manifeste ta grandeur. Ton écoulement, ton engouement, ton écoulement, oh.